Bokila, Bokila, Bokila, Bokila, ma bé. Bokila, Bokila, Bokila, Bokila, ma bé. Ok, monsieur, moi, t'es un taco nangai. Quand je m'en ai un bongo et sili, à Bokilo et li. En mon été, voyons qu'il y a un gros, et comme Marima, on doit qu'il m'a marqué. Sangona bengi mwase nanga, sangona sima yanda koe, sangona kati yanda koe. Yo bokilo, webe se kobota, gande mobali, nakobala mwasi, boni ya kobatora mwasi nanga, a bokilo yege. Oh bokilo ye, bokilo ye, bokilo ye, bokilo ye. Oh, yo, patina money, sala pana moti wanga. Le bokila potolanga. Oh, ye baka, pana zambe. Bokila ya pokanga, mboka mandala maka lamba sala. Bokilo ye, bokilo ye, bokilo ye, na botuna yo ye. Bokilo ye, bokilo ye, bokilo ye, na botuna yo ye. Maka na mikala bokilo ye.